cette mère qui se blesse au taf, donc pour les miens, je dois voir le bout. Je me suis barré à cause des coups avant qu'on sente plus jamais mon bout. Je suis ce directeur qui se retrouve tous les jours la corde au cou. Les dettes font qu'agrandir le trou, j'ai l'impression de devenir fou. Je suis cette fille qu'on regarde même pas dans les couloirs du lycée. J'ai peur que ce manque d'attention plus tard me pousse plus à m'exciper. Je suis ce jeune en bas du bloc, j'ai pas trop le choix, faut faire du blé. Faut que je réponde à l'appel quand le bigot ne fait que sonner. Je suis cette putain de femme baisée qui fait cœur tourner vers son ex. Je suis ce mec qui donne son âme pour une miche d'eau qui donne son terche. Je préfère être ton ennemi, flemme d'être juste la moitié d'un traître. Y'a rien de pire pour un humain qu'on sert de lui juste pour du sexe. Je suis ce raclo sous pression qui doit juste payer l'addition. Je suis cette personne enveloppée par l'image de sa réputation. Je suis cette femme à qui on parle seulement de fame et d'ascension. J'ai beaucoup de mal avec la nature de leurs réelles intentions. J'évite de parler de religion, pourtant c'est la seule chose qui m'anime. J'ai toujours pas si c'est par amour que toutes mes relations s'abîment. Je fais des études, c'est des plantés. Aux entretiens, ça me baratine. Sache que l'épée de Damoclès me fait plus peur qu'une carabine. Je suis cette personne que l'on rejette car j'assume juste mon orientation. Je reçois des messages Instagram où ça me parle de lapidation. Je suis cette blessure qui grandit sans l'attente d'aucune guérison. Je rappe tellement bien que c'est impossible de faire de l'autodérision. Je suis cette femme célibataire, je suis cette famille qui serre les coudes. Je suis ce mari qui te fait du bien, je suis même cette copine à l'écoute. Je suis cette jeune fille insouciante qui fait qu'écrire dans son cahier. Ouais, je suis tout sauf celle que tu croyais. Moi je suis Leslie, je suis prête à tout vraiment pour les personnes que j'aime. Parfois certains de mes choix font que tous mes démons reviennent. C'est vrai, je suis peut-être sensible vu ce que j'écris dans mon cahier. Ouais, je suis fière d'être celle que vous voyez. Laisse.